Baisant un soir une mignarde, près de nous arrivent deux fous, dont l'un et l'autre nous regardent en se voulant moquer de nous. Mais je leur dis, vous êtes des fous, foutez-vous, taisez-vous, fous, foutez-vous. Mais je leur dis, vous êtes des fous, foutez-vous, taisez-vous, fous, foutez-vous. Puis, voyant que pour telle affaire, je lui découvrais les genoux, au moins si vous le voulez faire, se nous dire-t-il, cachez-vous. Mais je leur dis, vous êtes des fous, foutez-vous, taisez-vous, fous, foutez-vous. Mais je leur dis, vous êtes des fous, foutez-vous, taisez-vous, fous, foutez-vous. Toutefois, quoi qu'ils puissent dire, nous continuâmes nos coups, et bien qu'ils s'en prissent à rire, s'ils figent en dépit de tous. Puis je leur dis, vous êtes des fous, foutez-vous, taisez-vous, fous, foutez-vous. Puis je leur dis, vous êtes des fous, foutez-vous, taisez-vous, fous, foutez-vous.